Chapitre 39e. La porte fermée, M. de Carquebus prit Clémence dans ses bras et la serra fortement contre sa poitrine. Cela fut si brusquement fait qu'elle fut surprise et ne put se défendre. Il l'étreignait trop étroitement pour qu'elle pût songer à lui glisser des mains ou à se dégager. Il voulut l'entraîner dans le salon, mais la porte de communication était trop étroite pour le livrer passage. Il essaya de passer à reculons en entraînant Clémence avec lui. Comme elle n'avait jusqu'alors fait aucune résistance, il croyait qu'elle ne pensait pas lui échapper, et qu'elle éprouvait sans doute les mêmes sentiments que lui. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans le salon, elle se baissa vivement, et en même temps, le repoussant son ménagement, elle se dégagea. Alors, d'un bond, elle mit entre elle et lui une grande table carrée qui occupait le milieu du salon. Il courut après elle, elle passa de l'autre côté de la table. « Ma petite déesse, je t'en prie, ne me fuis pas !»« Ne parlez pas en courant, » dit-elle, « cela va vous essouffler !» Je saurais bien t'atteindre. Je vous préviens que si vous continuez à me poursuivre ainsi autour de cette table, je me sauve par cette porte ouverte et je gagne le château. Maudit démon! J'aime mieux cela. Injuriez-moi, vous vous calmerez. Diablesse, scélérate, trompeuse, allez, ne vous gênez pas. Il était à bout de respiration, la face rouge, les veines du front gonflées, les bras tremblants. Il s'arrêta. Alors Clémence, s'appuyant des deux mains sur la table et le regardant en face, « Calmez-vous, » dit-elle, « calmez-vous. Si vous croyez que je vais faire comme mon imbécile de neveu et vous laisser fuir, vous vous trompez, ma petite poulette. Votre neveu n'est point un imbécile, c'est un brave garçon. Je vous dis que c'est un imbécile, un niais. Avez-vous été jeune, monsieur de Carquebus ? Comment, si j'étais jeune ? Je sais bien que vous l'êtes encore, mais je vous demande si vous avez été tout à fait jeune. Vous n'êtes pas venu au monde tel que vous êtes maintenant. » Avec toutes ces qualités qui font de vous un homme si dangereux, vous avez été ignorant, naïf peut-être, jamais. Enfin, vous n'avez pas débuté par l'expérience, vous n'avez pas aimé toutes les femmes à la fois, il y en a une qui a été la première. Comment vous seriez-vous conduit avec celle-là si elle avait voulu vous échapper? Elle l'a essayé. C'était une grande fille rousse, qui avait une trentaine d'années. Moi je n'étais qu'un gamin. Nous jouions souvent ensemble et elle était la plus forte. Je ne sais pas s'il te doutait de ce qui se passait en moi. La vérité est que je l'aimais. Un jour, j'ai voulu lui montrer quels étaient mes sentiments. Alors n'a-t-elle pas eu l'idée de vouloir se sauver? Quand j'ai vu qu'elle allait m'échapper, je me suis cramponné à elle. Mais malgré tout, elle était la plus forte. Alors, je me suis souvenu qu'on soumettait les chevaux vicieux, en leur mordant le bout de l'oreille. Je l'ai mordu si raide qu'elle était domptée. Hein, charmant, vous étiez précoce. Alors si j'avais la faiblesse de me laisser surprendre, j'en serais pour mes oreilles. Grand merci. Oh, mais toi, je t'adore. Au point de manger le morceau, n'est-ce pas? C'est tentant, en vérité. Quel homme, vous faites. Je ne suis pas mon neveu. Heureusement pour Denise. Encore une petite niaise qui se met à pleurer quand on lui dit qu'on l'aime. Ce n'est pas une niaise. C'est une petite enjôleuse, alors? Ni l'une, ni l'autre. Vous n'avez pas été touché par le geste plein de pudeur et pleuré avec lequel elle a voulu repousser celui qui, pour la première fois, venait lui parler d'amour? Ma foi, non. Vous n'êtes donc pas un homme délicat? Si vous aviez compris à quel sentiment Denise obéissait, vous auriez été ému. Quel sentiment? Voulez-vous rester tranquillement, là où vous êtes, pendant 5 minutes? Je vais vous le dire. Il fit un signe affirmatif. Denise, continua Clémence, est la fille d'une comédienne qui a eu une existence assez accidentée. Une femme d'amour, quoi. Le mot est grossier, mais enfin, il est juste. Bien que Denise ait quitté sa mère, étant jeune encore, elle en a assez vu cependant. Avec cette sagacité terrible qu'ont les enfants pour savoir ce qu'était cette existence dont le mot amour faisait le fond. De là, chez elle, une horreur instinctive, l'effroi, le dégoût pour tout ce qui touche à l'amour. Jamais elle ne m'a fait de confidence à ce sujet, mais 100 fois j'ai pu sentir combien elle souffrait au souvenir de ses années d'enfance. Pour cela, elle ne condamne pas sa mère, mais elle condamne l'amour. Comprenez-vous quel coup elle dut recevoir quand votre neveu lui a dit qu'il l'aimait? Et quand, sous le souffle brûlant de cette parole, elle a senti ce qu'elle éprouvait elle-même, c'était de l'amour et non de l'amitié, comme elle l'avait cru jusqu'à ce moment? Ma foi, non. C'est possible. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est là le sentiment qui a fait jaillir les larmes de ses yeux, la honte et la douleur. C'est là ce qui lui a fait demander de rentrer au château, pour ne pas entendre des paroles qui la désolaient, pour ne pas voir des regards qui l'humiliaient, pour ne pas s'abandonner à des sentiments qui la faisaient mourir de honte. « Alors, si ce que vous dites là est juste, elle n'aimerait pas mon neveu, et elle ne consentirait pas à devenir sa femme. » Elle haussa doucement les épaules. « Vous pensez qu'elle l'épousera ?» Elle se mit à rire. « Monsieur de Carquebus, Dansez-vous. Vous moquez-vous de moi par hasard ? Pas du tout. Je vous demande si vous dansez. J'ai bien vu tout à l'heure par votre gymnastique autour de cette table que vous couriez assez bien. Mais courir n'est pas danser. Vous vous expliquerez peut-être ? C'est bien simple. En vous faisant ma question, je pensais à vous, à ce qui pourrait être un plaisir, si vos paroles sont sincères quand vous dites que vous m'adorez. Je voulais vous engager à me retenir la première contredanse qui sera dansée lors du mariage de M. Louis Méraud avec Denise. Tonnerre ! S'écria-t-il en appliquant sur la table un formidable coup de poing. Vous moquez-vous de moi, oui ou non ? Non. Alors vous croyez que ce mariage se fera ? Je le crois. Je l'en empêcherai bien. Comment cela ? Je ne sais pas, mais je trouverai. Quand je devrais y laisser ma peau, je vous dis que je l'empêcherai. Vous croyez que je serai assez belle pour laisser faire un mariage qui m'enlèverait la fortune du marquis ? Ah, vous comptez avoir la fortune de monsieur le marquis ? Ne suis-je pas son héritier ? C'est juste, j'oubliais. Moi, je n'oublie pas. Cette fortune m'appartient et je ne la laisserai pas m'échapper. Je suis curieuse de voir comment vous empêcherez ce mariage, si les deux jeunes gens le veulent et si monsieur le marquis le veut aussi. Il me semble qu'il peut donner sa fortune à ceux qu'il aime. Il le peut, mais il ne le doit pas. Nous avons nos droits à faire valoir. Comment les ferez-vous valoir ? Tout est là. Monsieur de Carquebus resta sans répondre, se passant la main sur le front, comme pour en arracher des idées qui ne voulaient pas sortir. « Vous voyez bien que vous ne trouvez rien, » dit-elle. « Parce que je suis un honnête homme, » s'écria-t-il. « Si je n'en étais pas un, ça serait bien vite fait. Mais je ne veux pas de ces moyens. Ce qu'il faut, c'est de l'habileté, de l'adresse. Tenez, je vais être franc avec vous, et par là vous prouvez combien je vous estime. Pourquoi ne m'aideriez-vous pas ? Si Arthur donne sa fortune à cette petite, c'est parce qu'il la croit sa fille, n'est-ce pas ? Aidez-moi à lui prouver qu'elle n'est pas sa fille. » « Comme cela, tout simplement. Une femme dans votre position a des ressources qu'un homme n'a pas. Entre nous, Arthur est un nigaud qu'on tourne à tous les vents. En s'y prenant adroitement, on pourrait jeter des doutes dans son esprit, et une fois que le doute aura germé, en l'arrosant, on le fera pousser. Si Louis épousait la petite, ce dont je me moque, il n'aurait pas la fortune. » Elle le regardait en clignant des yeux, car elle ne voulait pas lui laisser deviner ce qui se passait en elle. « Et c'est tout ? » dit-elle. « Bien entendu, » répondit-il. « Si vous voulez vous employer pour moi, je saurai reconnaître le service que vous m'aurez rendu. »« Et comment cela ? » ?»« Si vous me faites avoir cette fortune qui m'appartient, je vous jure de la partager avec vous. Vous m'en donnerez la moitié. Je vous la donnerai tout entière. Je vous adore. Vous serez ma femme, je vous le jure. » Elle se mit à rire aux éclats. « Et mon mari ? » dit-elle quand son accès de gaieté se fut calmé. « Que devient-il dans ce beau projet ? » ?»« Votre mari, paraît-il, est un chenapan, un aventurier. » « Monsieur de Carquebus, on me l'a dit. Un jour ou l'autre, il se fera casser les os, et alors vous serez veuve et libre. » Ainsi, selon vos calculs, monsieur le marquis doit mourir bientôt, puis ensuite c'est le tour de mon mari, et alors, après avoir hérité, vous m'épousez. Je le jure. Oh, vous n'êtes pas avare de serment. Il tombe de vos lèvres drues comme grêle. Doutez-vous de ma parole d'honneur ? J'ai en elle la foi que vous avez vous-même. Alors vous acceptez. Dit-il en se rapprochant doucement du côté de la table où elle restait appuyée. Vous me donnerez bien le temps de réfléchir ? Répondit-elle en souriant. Il faut que je consulte ma famille. Vous plaisantez. Et comment voulez-vous que je vous réponde ? En me fâchant sérieusement ? Et pourquoi vous fâcher ? Qui prouve mieux la sincérité de mon amour que la proposition que je vous adresse ? Amour pour l'héritage ou pour la femme ? Pour la femme, pour toi, cher petit ange. Peu à peu, il s'était rapproché d'elle, et comme elle se tenait sans défiance, elle n'avait pas reculé. Disant ces derniers mots, il lui jeta les deux bras autour de la taille. Elle voulut se défendre, mais il la tenait bien. « Cette fois, vous ne m'échapperez pas, » dit-il. Elle se rejeta la tête en arrière, mais il ne lâcha pas, et se pencha vers elle. « Prenez garde, » dit-elle, « j'ai l'oreille sensible. »